C'est le morceau. Ce morceau s'appelle... Ce morceau s'appelle Insomnie. Ce morceau s'appelle Insomnie Yogique. Ce qui compte, c'est le rythme.